Salut à tous, je vais vous parler des produits de consommation et notamment les produits de consommation d'animaux. Alors je rejoins tout à fait les 30 millions d'amis qui sont une cause juste. Alors oui, les animaux c'est beau, c'est joli, hop on en a envie, c'est trop mignon et puis bon, allez on le prend, n'importe quel moyen et la notice elle est pas donnée quoi. Tu prends un exemple comme le chat. Ouais, le chat, c'est vendu, c'est autonome, t'as pas à t'en occuper. Quoi ? T'as pas à t'en occuper ? Mais attends, non mais comme c'est présenté, de là, je veux dire que un chat, voilà, il faut lui porter de l'attention. Jouer avec, mais ça, ils le disent pas, ça. Ils informent pas. Quand tu vas quelque chose, il y a la notice, obligatoirement. Tu dois donner une notice d'utilisation. Comment faire pour que ton animal, il se porte au mieux ? Peu de gens le savent. Dans mon entourage, hein. Tu prends un chat, un chien, bon, un chien c'est plus compliqué quand même, mais tu prends le chat, ben, tu lui fais des gâtés, tu lui donnes des croquettes, tu t'amuses avec lui, voilà, tu partages des moments. Le chat, tu laisses pas de le coin sur sa chaise tout seul, là, ça marche pas comme ça. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est un coup de gueule, tu vois. C'est pas lui, il va te dire à 7h du mat, ouvre-moi la porte, je vais à Intermarché, je vais travailler et je vais ramener mes croquettes. Hein. Et il faut que tu donnes à boire et tout. Hein. C'est pas évident. D'ailleurs, parce qu'il y a tellement de chats donnés que tu feras le bon coin. Et vas-y, je te donne ce chat, je veux m'en débarrasser. C'est gratuit, vas-y, viens, c'est gratuit. Prends ce chat et débarrasse-moi. Et il y a la responsabilité derrière, il y a une vie. Donc du coup, il faut agir en conséquence et pas comme on dit, le proverbe, le chat... Le chat il se débrouille tout seul. Et non, c'est faux, complètement faux. Dans les animaleries, quand tu t'y rends, tu vois, t'as la vitrine, t'as les chiens, les chiens surtout, parce que ça coûte plus cher, qui sont des bébés, tout ça, tout mignon. Et alors tu t'y rends, tu te balades, tout ça, sans conseil, tu vois. T'as le vendeur, il vient, il dit « Alors, vous avez choisi ?»« Oui, celui-là, il est bien ?»« Bah oui, c'est une race, c'est telle race. »« D'accord, bon. »« Eh bien, si je le prends, c'est combien ?»« Ah, d'accord, bon. »« 600 balles ?»« Ok, ben je le prends. »« Allez, venez, on va faire les papiers. » tu signes là, hop, le papier, vite fait, bien fait. Derrière, ils te donnent trois croquettes qu'ils leur donnaient à manger. Et après, ils te laissent partir. Tu files le billet de 500, là, violet, et t'arrondis à 100. Et c'est fini. Le mec, il t'a même pas posé la question. Qu'est-ce que tu vas me faire du chien, tu vois? Où il va aller? Comment tu vas le ramener? Ce qu'il faut lui manger? De quoi il se nourrit? Est-ce que c'est un chien sportif? Calme. Oh là là là là, mais lui, son mot de passe, c'est violet, tu vois? C'est le billet violet. Voilà, c'est très dommage. Alors que la SPA derrière, eh ben voilà, les retombées de l'été qui se retrouvent là-dedans, malheureusement. Et du coup, voilà, ils stockent et les chenilles, ils sont pleins quasiment à 100%, sans arrêt. Et c'est malheureux. Et heureusement qu'il y a des gens qui prennent conscience et qui vont à cet endroit-là, justement, parce qu'ils ont eu tous les vaccins, tout ça. Bref. Et surtout, ils ont été stérilisés. Ça, c'est important parce qu'il y en a assez avec le bon coin, les petites annonces. C'est trop. Attends, quand tu vois aux informations, mais en ce moment, alors ce qui est bien, en ce moment, il y a des émissions, des micro-pilotes qui parlent des animaux, leur mode de vie, tout ça. Enfin, bon, c'est intéressant, mais si tu prends mondialement, on a des zoos en France, on a des zoos et on essaye de faire produire les espèces rares, tout ça. Et puis en même temps, on profite, on va visiter le zoo. On va voir comment c'est, tout ça, on va découvrir. Mais il y a des gens, ils tuent pour des cornes de rhinocéros, ils vont tuer, ils vont découper la corne à la tronçonneuse et derrière, ils te laissent la carcasse, tu vois. C'est joli. Et du coup, il y a rien, il n'y a personne dans le J8, tout ce que tu veux, le gouvernement, tout ça, qui vont dans ce sens. D'accord, il faut sauver la planète. Il faut sauver la planète de la chaleur, tout ça, la pollution. Il faut économiser sur les courses que tu fais parce qu'on dépasse les limites que peut offrir la planète. Mais il n'y a jamais de prise de conscience sur le fait que, voilà, tu prends le lion blanc, enfin, je sais pas s'il existe, mais je suppose, eh ben, le lion blanc, il reste, quand tu apprends qu'il en reste une dizaine, et c'est fini, quoi. Tu peux plus rien faire, là, c'est foutu. Alors comment faire, comment prévoir, comment agir contre la voie d'extinction de tout ça, comment rebondir, c'est ça. Surtout, comment rebondir s'il n'y en a plus? Qu'est-ce qu'on va faire?